Bonjour à tous et à toutes, chers fans de FrenchPod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de niveau avancé. Donc, je suis avec la charmante Marion. Bonjour à tous. Bonjour Marion. Donc, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler peut-être du personnage public français le plus connu. Qui est Zinedine Zidane. D'accord. Alors, qui est aussi surnommé en France Zizou. Le petit nom affectueux que les Français lui ont donné. Et qui est vraiment devenu une star nationale et même internationale. Internationale, ouais. Ouais. Quand il y a eu la fameuse Coupe du Monde organisée en France en 1998. D'accord. Et un peu avant aussi. Il était déjà très connu avant, tout à fait. Ouais, t'as bien raison. Donc maintenant, avec le monologue qui suit, on va présenter un peu plus sa vie en détail. Donc on va voir comment il est arrivé à ce niveau de succès. Et comment il a commencé. Voilà, en fait, on va retracer sa carrière ici. Mais d'abord, je vais te demander, est-ce que toi, t'es une fan de Zizou ? Bon, d'abord, est-ce que tu es une fan de football ? C'est la meilleure question. Non, de football, pas vraiment. Mais c'est vrai que, bon, après, quand c'est les matchs de la Coupe du Monde, quand c'était les matchs de la Coupe du Monde, oui, je supportais Zizou, c'était mon favori. Ouais. Parce qu'il est beau en plus. Bon, allez, on écoute le récit du texte juste maintenant. Issu d'une famille algérienne kabyle, Zinedine Zidane naquit à Marseille le 23 juin 1972. À l'instar de beaucoup de drôles à Marseille, il s'intéresse au ballon rond dès son plus jeune âge. Très vite repéré par plusieurs grands clubs, grâce à ses prédispositions exceptionnelles, il débuta sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans, en jouant en première division avec Cannes, où il apprendra les ficelles du métier. Doté d'un réel talent, Zidane rejoint les Girondins de Bordeaux en 91, équipe dans laquelle il se distingue dès la première saison puisqu'il s'offre le luxe de marquer 10 buts. 94 est également un bon cru pour lui, puisque c'est l'année de sa première sélection en équipe de France. En 1996, après avoir perfectionné son jeu, il intègre la Juventus de Turin. Il s'illustre lors de la Coupe du Monde 98, notamment avec deux buts de la tête en finale contre les Brésiliens, et se trouve alors à l'apogée de sa popularité et s'impose comme un des meilleurs joueurs au monde. Il fait montre de qualités techniques et stratégiques exceptionnelles, comme s'accordent à le dire tous les attaquants qui ont joué avec lui. À l'issue de la Coupe du Monde 2006, Zinedine met fin à sa carrière de footballeur. En effet, après avoir hissé les Bleus en finale, Zidane se fait expulser du match sur un carton rouge à quelques minutes de la fin. Le footballeur, qui a le sang chaud, n'a pu se retenir de répondre aux provocations de l'Italien Materazzi par un coup de tête en plein thorax et quitte donc la pelouse par la petite porte. La polémique sur les raisons de ce coup de sang enfle. Mais la presse internationale et les innombrables fans, sans excuser son geste, saluent en Zinedine Zidane le génie et la magie de son talent. Donc nous revoilà. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici dans le texte ? En fait, Zizou, il a des origines méditerranéennes. Kabyle, c'est en Algérie, c'est ça ? C'est une région qui se trouve au nord de l'Algérie. D'accord, en Afrique. Et donc, son père, lui, n'est pas né en France, son père est né là-bas. Ils ont émigré dans le sud de la France, à Marseille. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, on dit Zinedine Zidane naquit à Marseille. Donc, naquit, le passé simple du verbe naître. Et il est né quand, notre beau Zizou ? Le 23 juin 1972. Et alors, je vais te laisser présenter la prochaine phrase qui est dite ici dans le texte, parce qu'elle vient du sud, et toi tu viens plus du sud que moi. Je te laisse la dire, tu la diras mieux que moi sûrement. À l'instar de beaucoup de drôles à Marseille, il s'intéresse au ballon rond dès son plus jeune âge. Donc on a deux expressions qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, à l'instar de, ouais. Qui veut dire comme. Tout à fait, ouais. Ça c'est une expression nationale. Je veux dire, c'est pas spécifique au sud. Comme non, non, ouais, tout le monde utilise. Et ensuite on a le mot drôle. Drôle, oui, qui est plus utilisé dans le sud et qui était plus utilisé aussi un peu au début du siècle pour dire les enfants. Oui. Une façon un peu familière et affectueuse de parler à ses enfants. D'accord. Parce que ça, c'est un mot qu'on n'emploie pas du tout dans le nord de la France. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu. En Belgique, certainement pas. Et c'est vraiment mignon parce que drôle aussi, ça peut devenir quelque chose de marrant. Oui, c'est mignon. Même si ce n'est pas forcément gentil, le fait de le dire, c'est forcément affectueux. Alors évidemment, Zidane fut un footballeur très doué. Et donc grâce à cela, il débuta sa carrière professionnelle. Il commença sa carrière professionnelle très jeune, puisqu'il commença à l'âge de 16 ans, en jouant en première division avec le club de Cannes. Alors la première division, c'est simplement un système de classement des clubs en France. Donc on a la première division, où se trouvent les meilleurs clubs, ensuite la deuxième division, et ainsi de suite. Et donc c'est quand même impressionnant qu'il commence à 16 ans déjà dans un des meilleurs clubs. Oui, c'est sûr. Et donc ça l'a beaucoup aidé. Car c'est là qu'il a appris les ficelles du métier. Qu'il a appris tout ce qui était relatif à ce métier, toutes les choses à savoir sur ce métier. Voilà, les secrets, les procédés qui vont faire qu'on maîtrise totalement le métier, ou bien ici, ce sport en fait. Voilà. Et donc après le club de Cannes, Zidane a rejoint un autre club français qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Ouais, très connu. Que tu dois quand même supporter, non ? Je supporte que les matchs internationaux. D'accord. Même si c'est le club de ta région, tu ne suis pas trop. C'est... Non, je ne suis pas, non. Et donc on apprend ici que la première saison où il a joué avec eux, il s'est offert le luxe de marquer 10 buts. Alors encore une fois, on a une expression ici. S'offrir le luxe de... Mm-hmm. Qui veut dire se permettre, il s'est laissé aller à dire tu t'es offert le luxe de t'acheter une nouvelle maison alors que tu n'as pas d'argent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acquis dès le départ, qui est quand même difficile à réaliser. Mais que quelqu'un se permet de faire alors qu'on ne l'attendait pas en fait. Exactement. Et ça c'était durant sa première saison. Trois saisons plus tard, il est déjà sélectionné pour l'équipe de France. Et donc ça, c'était en 1994. Donc on peut dire que cette année fut un bon cru pour lui. Mmh. Alors aussi, un bon cru, ça c'est une expression que tu dois connaître. Oui, je pense que c'est en référence au vin à la base. Ouais. Pour dire un bon cru, c'est une bonne année pour le vin. C'est-à-dire que la saison, enfin le temps a tout fait pour que les vignes soient bonnes. Voilà. Et donc quand on dit que pour une personne, cette année a été un bon cru, ça veut dire que ça a été une bonne année, qu'il a accompli de bonnes tâches, de bonnes choses et qu'il a bien progressé. On parle de la personne comme du vin. Oui. Ça fait bien française. Oui. Donc on apprend qu'en 1994 commence sa carrière internationale avec l'équipe de France. Et en 1996, il va s'expatrier. Il va quitter la France. Il va quitter le club des Girondins de Bordeaux. Et il va partir dans un autre pays, en Italie, et intégrer la Juventus de Turin, qui est un des clubs de football de la ville de Turin. Et donc j'ai suivi un peu la carrière de Zinedine Zidane, et c'est vrai qu'il est devenu encore meilleur, il a développé son jeu à la Juventus de Turin. Mm-hmm. Mais ce qu'il a vraiment rendu célèbre au grand public, c'est la Coupe du Monde qui a eu lieu en France en 1998, où là il jouait avec l'équipe de France évidemment. Quand même. Et où il a marqué ses fameux deux buts de la tête en finale. Contre les Brésiliens. Contre les Brésiliens. C'était un match assez fantastique. Mmh. Et c'est là dans le texte qu'on dit qu'il s'est retrouvé alors à l'apogée de sa popularité. Au top, quoi. Oui, au maximum. Et qu'il s'est imposé comme un des meilleurs joueurs du monde. Et donc s'imposer, ça veut dire, par la force des choses, être reconnu et sans contestation possible, comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Oui. Et alors dans le récit, il est dit ici, je cite, « Il fait montre de qualités techniques et stratégiques exceptionnelles. » Comme s'accordent à le dire tous les attaquants qui ont joué avec lui. Alors, il fait montre, ça veut dire il démontre. Il fait preuve. Exactement. Et comme s'accordent à le dire, ça veut dire que tout le monde le dit. On pourrait dire ici, tous les attaquants sont d'accord pour dire qu'il fait montre de qualité. Technique. Donc voilà, en 1998, il devient champion du monde. Il a d'ailleurs gagné beaucoup d'autres titres. Donc il s'est qualifié encore une fois avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde suivante et celle d'après encore pour arriver à la Coupe du Monde 2006 où va avoir lieu... Un incident malheureux. L'équipe de France va arriver avec Zidane en finale à nouveau. On dit même ici qu'il a hissé les Bleus en finale. Ouais, ça veut dire qu'il les a tirés vers le haut, il a mené le jeu, il les a menés jusqu'en finale. Grâce à son rôle de leader, un peu, c'est grâce à lui que les Bleus sont montés jusqu'en finale. Et c'est vrai que parfois, elles ont joué sans Zidane, et elles jouaient vraiment moins bien. Mm-hmm. Et quand il était là, eh ben, ça allait beaucoup mieux. Et donc, ils arrivent jusqu'en finale, contre les Italiens, et là, ils veulent se faire expulser sur un carton rouge. Carton rouge, c'est pour les grosses fautes, c'est-à-dire qu'on est expulsé du match, et qu'on ne peut plus revenir sur le terrain jusqu'à la fin du jeu. Et pourquoi ? Et c'est ce qui est expliqué ici, c'est qu'il faut savoir que Zidane est un footballeur qui a le sang chaud. Quand on dit quelqu'un a le sang chaud, c'est quelqu'un pour qui il suffit d'une petite provocation pour le faire bouillir, comme on dit en France encore. Ouais, pour qu'il s'énerve. Et pour s'énerver et qu'il perd le contrôle de lui-même. Et donc à un moment, il a reçu des provocations d'un de ses adversaires, italien. Materazzi. Les Français, ils l'aiment pas, Materazzi. Et là, il n'a pas pu se retenir de répondre et il lui a donné un coup de tête en plein thorax. Dans la poitrine, quoi. Bon, c'était peut-être pas la meilleure façon de répondre. On ne sait pas très bien ce qu'il a dit non plus. On n'a jamais su, non, ça... Ouais. On dit qu'il aurait insulté... Sa mère. La mère ou la sœur de Zidane, c'est ouais, ça? Ouais, voilà. Enfin, c'est une diversion. Ouais. Enfin, le fait est qu'après avoir donné ce coup de tête, on dit aussi en français un coup de boule. D'ailleurs, plus souvent un coup de boule qu'un coup de tête. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Il a dû quitter la pelouse par la petite porte. Par la petite porte, c'est une expression française qui veut dire « sans gloire et avec discrétion ». Voilà, c'est généralement quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon alors quand même, le football n'est pas censé être un sport aussi violent. On n'est pas censé donner des coups de boule, des coups de tête. Non, c'est sûr. Et donc ça a créé une polémique concernant les raisons de ce coup de sang. Coup de sang, c'est concernant les raisons de cet énervement soudain. Oui, oui, tout à fait. Et qui n'est pas vraiment justifié. Et donc la polémique a enflé. A gonflé, a augmenté. Oui, puisque toute la presse internationale en a parlé. C'était la finale de la Coupe du Monde. Ouais. En plus de ça, après, ils ont perdu. Et donc forcément, tous les Français ont imputé la défaite des Bleus lors de la finale à Materazzi. Oui, à Materazzi, qui a fait sortir Zidane et qui a provoqué cette défaite. Ah, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas expliqué avant. Si on avait dit les Bleus, c'est bien, ça veut dire l'équipe de France. C'est un surnom qu'on a aussi pour l'équipe de France. On l'appelle les Bleus. À cause de la couleur de leur maillot. Oui. Et donc, les innombrables fans... Tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Oui. Les innombrables fans n'ont pas approuvé son geste. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont changé d'avis concernant leur idole et qu'ils voient en Zinedine Zidane et qu'ils saluent en Zinedine Zidane un génie. Et un talent magique. Donc ils continuent à reconnaître que Zinedine est un génie dans le domaine du football. Oui, et qu'il a eu une carrière formidable. Voilà, qui nous a fait vibrer. Et il nous a fait vibrer, il a fait vibrer toute la France. Il y a même des gens, le soir où il a marqué les deux buts en finale de la Coupe du Monde, ils criaient « Zinedine Zidane président ». Bon, quand même. Bon, allez, on réécoute une partie de la vie de Zinedine Zidane ensemble et on se retrouve juste après. Issu d'une famille algérienne kabyle, Zinedine Zidane naquit à Marseille le 23 juin 1972. À l'instar de beaucoup de drôles à Marseille, il s'intéresse au ballon rond dès son plus jeune âge. Très vite repéré par plusieurs grands clubs, grâce à ses prédispositions exceptionnelles, il débuta sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans, en jouant en première division avec Cannes, où il apprendra les ficelles du métier. Doté d'un réel talent, Zidane rejoint les Girondins de Bordeaux en 91, équipe dans laquelle il se distingue dès la première saison, puisqu'il s'offre le luxe de marquer 10 buts. 94 est également un bon cru pour lui, puisque c'est l'année de sa première sélection en équipe de France. En 1996, après avoir perfectionné son jeu, il intègre la Juventus de Turin. Il s'illustre lors de la Coupe du Monde 98, notamment avec deux buts de la tête en finale contre les Brésiliens, et se trouve alors à l'apogée de sa popularité et s'impose comme un des meilleurs joueurs au monde. Il fait montre de qualités techniques et stratégiques exceptionnelles, comme s'accordent à le dire tous les attaquants qui ont joué avec lui. À l'issue de la Coupe du Monde 2006, Zinedine met fin à sa carrière de footballeur. En effet, après avoir hissé les Bleus en finale, Zidane se fait expulser du match sur un carton rouge à quelques minutes de la fin. Le footballeur, qui a le sang chaud, n'a pu se retenir de répondre aux provocations de l'Italien Materazzi par un coup de tête en plein thorax et quitte donc la pelouse par la petite porte. La polémique sur les raisons de ce coup de sang enfle, mais la presse internationale et les innombrables fans, sans excuser son geste, saluent en Zinedine Zidane le génie et la magie de son talent. Oui, donc comme tu l'as dit au début, Marion, c'est vrai que Zinedine Zidane est un personnage qui est vraiment aimé par une très grande partie des Français. Mmh, c'est vrai. Les raisons, tu me les as expliquées ici avant. Je disais en plaisantant, parce qu'il est beau, il plaît aux femmes, parce qu'il joue bien au foot, il plaît aux hommes, et parce qu'il est gentil, il plaît aux enfants. Mais je pense que c'est un peu... c'est pas que ça, c'est parce que c'est pas un personnage vraiment public. Enfin, il s'est jamais pris pour une star, et ouais. Il a jamais eu des caprices de star, il a jamais... C'est vrai, ce qu'il y a, c'est qu'il donne l'impression d'être une personne simple. Voilà. Pas hautaine, pas un but à personne, même si c'est un des meilleurs joueurs de football de la planète. Mmh. Il reste très humain, il sort pas avec un top modèle. Ouais. Ouais, il reste simple. Ouais. Et moi, ça m'a toujours étonné, ma mère, qui ne connaît rien au foot, à un moment, elle n'a jamais regardé un match de foot avec nous, sans s'endormir au bout de 5 minutes. Et quand il y avait Zidane. Et quand il y avait Zidane, elle regardait tout le match. C'est même avant le match, elle me dit « Hey, il y a un match avec Zinedine Zidane ce soir !» Je fais « Waouh !» C'était quand même impressionnant. C'est ça la magie Zidane. Ouais. Et en plus, maintenant, il faut savoir qu'il continue à représenter la France par l'intermédiaire de différentes organisations internationales. Je crois qu'il a été membre de plusieurs organisations caritatives. Et il représente le pays à travers le monde. Il y a quand même assez peu de Français qui sont connus autant que lui, je crois. À part peut-être le président de la République ou deux, trois acteurs. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Parce que moi, chaque fois que je dis que je suis française à l'étranger, on me dit Chirac, qui restait quand même dans les esprits, ouais. Et Zidane. Ouais. Non, c'est vrai, c'est les deux personnes qu'on me cite, Chirac et Zidane. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'à FrenchPod, on vous le présente. Personnage un peu hors du commun et emblématique d'une génération française. Le Zinedine Zidane, Zizou, comme on Zizou. Dit. Zizou. Voilà, en tout cas, cher Marion, merci beaucoup. Merci à Maury. C'était un plaisir d'avoir présenté ce podcast avec toi. Merci, moi aussi. À une prochaine. Au revoir.